théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Radio Fadjet 94.2 ou fadjet.net et bienvenue à notre nouvelle émission qui s'appellera Coup de théâtre. Je suis Julia, co-présentatrice de cette émission accompagnée de Rodolphe. Salut Rodolphe, ça va ? Salut Julia, oui ça va super bien, je suis hyper content de lancer cette émission avec toi. On est tout excités. Ouais, t'es à mort. On sera toujours tous les deux pour cette émission. Est-ce que tu peux nous présenter le principe ? Et tout à fait, eh bien Coup de théâtre c'est une émission où on parle d'impro, où on fait de l'impro et où on rigole bien sûr. On aura à chaque fois un invité improvisateur ou humoriste que nous allons essayer de mieux connaître en tant que comédien, mais aussi de personne. On va donc jouer avec lui, lui poser des questions, évoquer bien évidemment son actu et celle de l'impro, et bien sûr l'actu de l'impro et de l'humour sur Nancy. Super. Et notre invité de ce soir est... Gaëlon. Salut, salut. Ça salut Gaëlon, on je est suis en pleine forme, je suis super content de faire votre première émission. Ouais, tu es un peu notre parrain, le parrain de Coup de théâtre. Le parrain que personne ne connaîtra, mais oui. Sans toi, on ne serait pas là, Gaëlon. Oh, oh là là, ton... oh non, je sais plus quoi dire. Non mais Gaëlon, tu es connu maintenant, tu passes sur Fadjet. Oh, j'ai dans, au moins 5 millions de fans dans, sur dans Coup de théâtre. Les gens te reconnaissent pas encore ? Bah non, parce que c'est de la radio du coup, donc ils n'ont pas encore associé le visage à la voix. Très bien. Alors pour démarrer correctement cette émission, on va mettre en place un rituel. Ça va être très simple. Tu vas devoir poser ta main droite sur le livre de Keith Johnson. Qui est devant toi, voilà. Pose ta main. Un grand improvisateur qui écrit beaucoup. Et l'improvisateur. Qui a sa vision de l'impro. Ok. Auquel on croit. Et tu vas lever la main gauche en disant caucus. Ok, caucus. Merci. Donc maintenant tu sais que tu es obligé d'improviser. Jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à la fin de l'émission et okay. Même toute ta vie si, okay, tu, si tu le veux bien. Je vais essayer. On fera un jingle de fin de, un rituel de fin d'interview pour qu'il puisse redevenir lui-même quand même. On verra. J'ai pas envie. Coup de théâtre peut donc maintenant commencer tout de suite avec le portrait de l'invité. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Alors Gaëlon, je vais te poser des questions un peu en mode portrait chinois pour un peu mieux te connaître et tu vas devoir répondre de manière assez réactive comme tu sais le faire parce que tu es un éminent improvisateur. Tout d'abord, si tu étais un lieu, lequel serais-tu ? Je serais un bateau sur la mer. Alors, je sais pas si c'est un vrai lieu, mais je serais la mer. C'est un lieu. Tu serais sur la mer, dans la mer ou sur la mer ? Sur la mer. Je serais en train de flotter. Sur un bateau, tu sais, genre un bateau, un marin ou sur la mer, tout le temps sur la mer. D'accord. Et maintenant, sans transition, si tu étais une catégorie d'impro, tu serais laquelle ? Je serais la on l'a refait. Pourquoi ? Parce que j'adore cette caté, parce qu'il n'y a pas d'histoire et en fait on rentre sur scène et on ne sait pas ce qu'on va faire et moi j'adore. Donc tu adores l'impro quand il n'y a pas d'histoire, on a bien compris. C'est ça. Si tu étais un méchant de fiction. Ouf, je serais le bouffon vert de Spider-Man. Pas mal, parce que tu es vert. Parce que tu es de couleur verte, les gens ne te connaissent pas, mais tu es vert en permanence et tu es un peu un bouffon. Merci. Si tu étais maintenant un caucus, comment il se passerait le caucus que tu serais ? Ça serait qui y va, qui veut le faire et qu'est-ce qu'il fait comme personnage et après il se démerde, le gars qui y va. D'accord, et c'est toi ça ? C'est moi. C'est toi, si tu étais un aliment ou un plat ? Du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète, ouais. Tiens donc. Et pourquoi donc du beurre de cacahuète, c'est pas très culture française, ça. Non, mais je pense à ça parce que j'en ai mangé ce midi et j'adore le beurre de cacahuète alors que tout le monde autour de moi dit que c'est dégueulasse. On mange du beurre de cacahuète à midi, Julia ? Il n'y a pas d'heure, mais c'est effectivement pas alors, très français. Vous connaissez pas les petites barres au beurre de cacahuète et au caramel ? C'est une tuerie. On ne connaît pas. Mais tu vas nous en offrir, merci. Mais tu vas nous en offrir, merci. Si vous voulez. Pour continuer, si tu étais un spectacle que tu as vu ou auquel tu as participé, d'improvisation, bien évidemment. Le match des nouveaux improvisateurs de l'Improdisiac, parce que c'est le lancement, c'est le baptême du feu. D'accord, et alors tu reparleras peut-être un petit peu plus tard de ce, il y a des chances. De ce moment-là, donc je ne vais pas aller plus loin. Si tu étais une boisson. L'iced tea. Parce l'ice-tea. Que dans toutes circonstances, tout le monde aime l'iced tea. Oui, bah oui, j'ai ta pas vie dit. Est folle. Ah oui, attention, hein, j'aurais pu dire tourtelle, mais non. Le déglingo qu'on a avec nous, mais c'est un truc. Cette émission commence sur les chapeaux de roue, on a un fou. Tu me mets du Liptonic, je deviens fou après, avec les bulles et tout. Non, je te promets que non. Si tu étais un thème d'improvisation. Un thème d'improvisation, je serais une... je vois pas ce que tu appelles par thème entre thème et... Un thème, le titre d'une impro, une qui serait laquelle, la pulsion. Un Jim Carrey. Voilà, un thème que je viens d'inventer, un jeu de mots. Un Jim Carrey, Jim Carrey. Ouais. J'adore les titres avec les jeux de mots. T'es tellement prêt pour cette émission. Il y a du talent. T'as préparé à l'avance, c'est pas possible. Oui, j'étais préparé, j'ai eu le conducteur avant. Si tu étais un monument... Un monument, je serais la fontaine de Trévis. En fait, c'est la première qui me vient parce que c'est le dernier monument que j'ai vu en revenant de vacances. D'accord. Est-ce que tu as, avec ta chérie, lancé une pièce en faisant un vœu? Moi, j'ai fait ça, j'y suis allé quelques semaines, j'ai fait ça, je suis top ringard comme mec. Est-ce que tu veux une petite anecdote bien pourrie? Oui, bien évidemment. En fait, je suis parti en Italie avec 70 centimes de monnaie dans ma poche. Et en fait, quand on s'est arrêté sur la station-service sur la route de l'aéroport, Camille avait envie de faire pipi et ça coûtait 70 centimes. Wow. Donc, quand on est arrivé devant la fontaine de Trévis, je n'avais plus de pièces. Donc, j'ai pas pu l'acheter. Eh bien, écoute, il a sacrifié son vœu, un vœu éternel avec sa chérie pour qu'elle puisse faire pipi. Voilà, exactement, c'est ça. Mais vraiment, t'es un amour. T'es un amour. Non. Non, parce que j'avais pas envie qu'elle pisse sur le siège de la voiture. Ouais, si tu étais un animal. Ah, c'est tout de suite moins poétique. Si tu étais un animal joué sur scène. Un singe. Parce qu'une fois sur deux, je me retrouve à jouer un singe. Est-ce que tu peux nous faire le singe rapidement, là? Oh là là, quel talent. Si tu étais un gros mot. Putain. Ouais, tout simplement. C'est comme un mot de liaison parfois, malheureusement. On le dit beaucoup. Ouais, c'est ça. Tout le monde le dit. Putain, ouais, c'est vrai. Si tu étais une émotion jouée sur scène. La timidité. Voilà. Alors, ça donnerait quoi, par exemple? Oui. Oui, d'accord, je vais le faire. Oui, comme ça. Voilà, ça donne ça. Je vous super bien la timidité. Ok, si tu étais une saison. Le printemps. Parce qu'il fait pas encore trop chaud et il fait plus trop froid. D'accord. Ça tombe bien, on arrive dans cette saison. Voilà, exactement. Donc tu es un homme ravi. Oui. Si tu étais un mime joué sur scène, qu'est-ce que tu aimerais mimer ou qui tu aimerais mimer? Alors, il y a un mime qu'on fait toujours, c'est éplucher des patates, c'est le plus simple, c'est le plus... voilà, c'est très simple à faire, ça marche toujours. Ok, si tu étais un moment de la journée. Alors, là, entre 10h et 11h, parce que c'est le moment où je pète la forme. Bah, tu le sais? Genre, il est 10h. Non, parce que le matin, tu te réveilles tranquille, machin, tu fais ce que t'as à faire, et à 10h, j'ai mon pic d'énergie, tu vois. Celui avant, un peu avant midi, tu vois. Okay. Les gens ont faim, mais toi, t'es en énergie. Bah, j'ai faim après, à 11h, du coup. Donc, okay. L'heure d'avant, je suis en pleine forme. Okay. Et enfin, pour terminer, si tu étais un improvisateur, qui voudrais-tu être? Qui serais-tu? Je serais Julia, évidemment, parce que c'est mon modèle, même si je sais que tu vas apprécier cette réponse, Rodolphe. Mais j'apprécie cette réponse. C'est ma marraine, donc c'est... Moi aussi, j'aimerais être Julia. Ah, c'est normal. Je vous remercie tous les deux. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Et voilà, ce portrait, merci Rodolphe, il était rondement mené. Et on connaît mieux maintenant notre ami Gellon. Oui. Exactement. Je vous propose tout de suite une nouvelle chronique. Écoute bien, Rodolphe. Et Gellon, pardon. Merci. Souvenir. Souvenir. Alors maintenant, on va mieux te connaître en tant qu'improvisateur, Gellon. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix-là. C'est la musique qui m'a donné cette impulsion. Je suis improvisateur, moi j'entends un truc, j'ai une impulsion, je joue. J'aimerais que tu nous racontes, mais de manière assez détaillée, ton pire moment sur scène. C'est à toi. Tu n'es pas obligé de parler comme moi. Ok, ça m'arrange. Alors, moi, mon pire moment, c'est pas vraiment un moment sur scène, mais c'est toute une batterie de moments avant de monter sur scène. Bon, on a hâte de t'entendre. Voilà, mon année de nouveau, du coup, avant de jouer une scène dans un bar avec Julia, justement, et bah, les 3 ou 4 semaines qui ont précédé, mais je me sentais nul de chez nul. En séance, tu veux dire, dès que tu faisais de l'impro, ouais. Tu te trouvais nul. Ou dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, j'ai l'habitude, donc c'est pas un problème, tu vois, je suis pas quelqu'un de très doué. Mais franchement, le mois qui a précédé, mais je me sentais nul, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Et pendant tout ce mois-là, pardon, tu le savais que t'allais jouer ce jour-là? Ouais. Est-ce que donc ça peut être lié à ça dans ta tête en fait? Mais c'est ça qui a je suis fait. Pas sûr parce que du coup j'avais déjà animé la première séance d'impro au Albar et je m'étais dit ouais ça s'est bien passé donc je pense pas que c'était la scène, c'est juste que mon niveau d'impro le mardi soir était nul quoi. Enfin j'ai l'impression de rien apporter, je rentrais, enfin c'était pas mais, fou. Mais du coup j'imagine que c'était amplifié par le fait que tu te disais oh, en plus je joue bientôt, en plus oui, je joue bah bientôt, oui. En plus je joue bientôt, donc à chaque fois que tu montais sur scène t'avais ça en tête. C'est ça, en fait c'est un peu le syndrome tu sais, de la perte de confiance, c'était comme un joueur de foot qui a pas marqué depuis 10 matchs et après on lui dit bah tiens tire le penalty, s'il le met il prend confiance, s'il le rate c'est encore pire. Et du coup quand je suis monté sur scène j'avais un peu cette appréhension là. Moi qui ai longtemps joué au foot j'avais un peu ça, enfin moi je ne marquais jamais donc j'avais pas de problème de confiance. Je crois que j'ai marqué 3 buts officiels dans ma carrière. Ah pas comme moi. Qui était long, 3 buts. Et j'ai joué avant-centre quelques saisons. Ah là par contre c'est inquiétant. C'est Olivier Giroud en Coupe du Monde ça. Ouais, mais j'aimerais bien avoir la carrière d'Olivier Giroud quand même, ouais, mais peu importe. Et donc, ça se. Et quel a été le déclic alors de... pour que ce pire moment devienne finalement un moment de grâce avec ta marraine Julia? Eh bien, le déclic, ça a été la première impro jouée ce soir-là, parce qu'en fait, elle s'est bien passée. Et je pense qu'une fois que ça s'est bien passé, bah, tu oublies un peu tout ce que tu te disais avant, et tu y vas et tu fonces. D'accord, et tu te rappelles de cette impro? C'était quoi, vous aviez joué quoi? Si, je m'en souviens. Oh, super. C'était une impro, il fallait faire une liste de courses, on était en course, et je crois qu'on avait le droit de dire un mot ou un truc comme ça. Ah, exact. Ça c'était une impro chose dans le genre, et c'est plutôt bien, c'était pas l'impro du siècle, mais c'était pas dégueulasse. Mais voilà, tu t'es dit, c'est propre, moi, ça je suis... c'est ça. J'ai vaincu le signe indien. Est-ce que tu as couru après, un peu comme le buteur qui n'a pas marqué depuis longtemps, est-ce que tu as couru dans le bar en te frottant pour enlever le sortilège? Non, non, parce que moi je courais avant dans le bar pour déstresser. Donc du coup. Juste, tu as été surprise, Julia, par le fait qu'il se souvienne de l'impro. C'est vrai qu'en général, on se souvient jamais des impros, mais la toute première, moi je m'en souviens aussi. Ah, mais je serais incapable toute première, de. Toute première. Je me souviens d'une impro sur mon match nouveau où c'était une mètre carré, mais la toute première. Ah, la toute impro... première où t'es monté. Hein. Si, non. Moi je m'en souviendrai toute ma vie. Mais c'est pas à moi de la raconter, peu importe. Et maintenant, je vais te demander quelque chose de beaucoup plus joyeux, même si ça s'est bien terminé. Je voudrais que tu nous racontes, là aussi, avec force de détail, ton meilleur moment sur scène. Bah, tu vas être content parce que c'était avec toi, évidemment. Tu le savais? Tu le savais que ce sera avec toi. Écoute. Il nous rince. Ce soir, il nous rince. Un peu avec toi, un peu avec moi. Mais c'est grâce à toi, ça, avant tout. Vas-y. Bah du coup après cette fameuse scène, bon il y a eu un confinement, il y a eu plein de choses, on a repris l'impro beaucoup plus tard et bah bien évidemment ça date et j'avais pas spécialement peur du coup pour le coup du match nouveau, j'appréhendais un peu mais au final c'est un peu comme la première scène, la première s'est bien passée, je m'en souviens pas exactement mais je sais que ça s'était bien passé et après c'était enfin l'ambiance dans la MJC avec tout le monde qui est content, tout le monde qui crie, qui chante, enfin vraiment c'est un peu la colonie de vacances. Tout le monde est là. En plus, on est un peu dans un cocon depuis un an et tout le monde est là pour que ça marche. Et c'est vraiment un truc de fou. On se prépare, on réfléchit à des costumes, à des chansons. Enfin, je pense que je ferai jamais. Est-ce que tu te souviens de la chanson? Bah, tu je peux nous dire un petit peu paroles. Le décorum de l'époque. Oui, alors du coup, on avait eu l'idée. Alors, ce qui est drôle, c'est que les autres équipes ont mis une semaine à trouver leur décorum et nous, en 5 minutes, on a dit on a qu'à faire un truc Netflix. Tout le monde aime Netflix et on est parti sur la Casa de Papel. Même ça s'est réellement passé comme ça. On voit que t'étais dans l'équipe de Rodolphe. J'étais le coach, moi. Mais alors, non, mais c'est vrai. En fait, on est sorti, on s'est dit, on n'a pas du tout d'idée. Et il y a quelqu'un qui a dit Netflix. Et là, on a dit, ouais, la Casa de Papel. C'est moi. Et ça collait, Netflix, oui. C'est pas un thème. Non, mais alors en fait, on s'est dit, il faudrait prendre quelque chose que tout le monde a en commun. Et j'ai dit, bah, tout le monde a Netflix chez lui. Et après, la réflexion est partie, bah, on a qu'à faire un truc sur une série. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'avais le souvenir de vous, les tout Pokémon. Le mm-hmm. Et moi, j'ai pas du tout la ref Pokémon, en fait. Mm-hmm. Nous, on avait fait à l'époque, c'était le bronzé fond du ski. Souvent, tu cherchais un thème par rapport à un film, une histoire, un dessin animé. Oui. Et finalement, voilà l'idée l'idée de faire la Casa de Papel, tout le monde connaissait. Et au niveau de la scénographie, c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont des costumes, ils sont repérables. Si t'as pas suivi tous les épisodes, tout le monde connaît. Tu les vois arriver avec le masque, là, tu connais globalement l'histoire. Ouais. Et puis c'était. Enfin, moi, j'avais kiffé aussi votre coach surtout là. Et du coup, ça fait l'hymne et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas du tout important évidemment, mais tu te rappelles qui a gagné ce match? C'est l'équipe de la Casa de Papel. Ah ouais, d'accord. Coaché par le grand Rodolphe. C'est parce que j'étais pas coach. Le professeur. En plus, c'était nickel parce que tu avais ton rôle de coach qui allait avec la scénographie, donc c'était vraiment top. Oui, j'avoue idéal. Que c'est bien trouvé. Vous avez mis la barre haute pour. Alors, il n'y a pas eu d'année après vous parce qu'il y a eu le Covid et tout ça, mais vous avez mis la barre haute pour les prochains nouveaux qui monteront sur scène parce que. Alors, eux, ils ne le savent pas, mais nous, on a aussi ces souvenirs-là de les générations qui s'enchaînent avec des propositions sur les thèmes, les chansons, des trucs comme ça. Mmh. Donc, mais d'ailleurs, toi aussi, Julia, je me rappelle les Pokémon, vous avez mis la barre haute parce que vous aviez chacun un chant. Il y a Val. Notre copain Val qui rappait et tout sur scène. Donc nous, après, nous, on avait fait juste un gros truc. On avait fait un hymne qui était très classique et vous aviez fait un truc qui était beaucoup plus chiadé. On avait des petits solos, c'est ça. Où tout le monde avait un solo, donc ça, c'est quand même déjà impressionnant. En même temps, c'est bien parce que ça te rassure pour le reste de la scène, de la soirée, mais il faut y aller, quoi, déjà. Eh bien, merci beaucoup, Guélone, pour tous ces souvenirs. Encore une fois, on te connaît un petit peu mieux. Merci. Coup de théâtre sur Fadjet. Alors évidemment, si on est là, Rodolphe l'a très bien dit dans l'explication de début d'émission, c'est qu'on va faire un petit peu d'impro. Donc tout de suite maintenant, on va te proposer des petits jeux d'impro. 3, 2, 1, impro. Je trouve que le gars qui parle sur les jingles a une voix de ouf. Ouais, franchement, vraiment charismatique. Ah oui, charismatique. Enfin, c'est beau. Moi, je suis amoureux de je suis amoureux de cette voix. Je te le présenterai. Ok, c'est cool. Il sera intéressé par cette proposition. Oui. Galen, oui. Le premier jeu d'improvisation est une fusillade. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler le principe d'une fusillade? Je vais le faire. Merci. Exactement. Je vais te proposer fusiller. Deux mots sur un site de mots aléatoires. Donc, je n'ai absolument rien préparé non plus. Tu vas choisir l'un des deux mots qui t'inspire le plus et tu fais 30 secondes. Tu fais une histoire de 30 secondes, un solo. Hein. On n'intervient pas. C'est ce que ça t'inspire, un souvenir ou pas, complètement inventé ou pas. Ok? Ok. Le premier mot est naissance. Je vous montre, je triche pas. Et le deuxième mot sera... distillerie. Ouh. Il en fait deux à la suite, hein, c'est ça? Non, il choisit le mot qui l'inspire le plus. Je ne vais pas lui imposer un mot. Parmi naissance et distillerie, lequel t'inspire le plus et que tu as envie de... S'il met les deux, c'est formidable. Ouais, bah, tu mets la barre challenge. Un peu trop pour moi. Ok, eh ben, c'est parti. Alors la naissance, moi ça me rappelle ma naissance à moi, parce que je sais pas si vous le savez, mais évidemment quand je suis né, ma maman pensait que j'allais être une fille jusqu'à quasiment le jour de la naissance. Et donc du coup ils ont dû chercher un prénom un peu à l'arrache, et évidemment j'ai fini avec Galen, hein, qui s'écrit G-A-2-L-O-W-N. Et donc c'est là que je me dis quand même que la naissance, c'est quand même déjà très compliqué, et on se dit que la péridurale, les cachets qu'on met dans la tête de la maman peuvent ne pas trop aider et finalement un peu la perturber pour lui faire sortir des lettres au hasard et donner ce joli prénom qui est Galen. Elle joue au Scrabble dans la salle d'accouchement. C'est ça, pardon, exactement. Ouais, c'est pas grave, ça faisait 30 secondes, donc c'est bon. Merci. On pourrait même imaginer qu'elle a accouché dans une distillerie. Ah, j'avais oublié cette histoire. Bah voilà. Je te propose du coup un deuxième essai pour... Allons-y, challengeons-le. Visage et trousse. Ok. Pour une fille. Alors, c'est un peu cliché ce que je dis, mais pour une fille, visage et trousse, on a déjà l'association. Mais je me maquille tous les jours. C'est bon. En fait, c'est Frankenstein. Ce visage-là, c'est grâce au maquillage. C'est parti, 30 secondes. Et ben moi, j'ai envie de parler de la trousse, parce que la trousse, c'est toujours quelque chose qui est très flippant quand tu vas au collège ou au lycée. Parce que, alors, chez les filles, ça va, elles ont toujours. 50 000 stylos, le rouge, le bleu, celui à paillettes, celui qui efface, celui qui permet de réécrire par au-dessus. Alors que les gars, généralement, c'est un peu cliché, mais on a un crayon de papier et on a un stylo bleu qu'on a piqué, genre à une réunion de parents-prof. Donc moi, ça me fait marrer. Et j'étais du genre plutôt de celui qui avait beaucoup de stylos le 5 septembre et qui, le 10 septembre, arrivait et n'avait plus aucun stylo. Donc je me retrouvais toujours à taxer des stylos à des filles. Et généralement, à la fin de l'année, tu te retrouves à écrire en rose et à souligner les trucs en vert. Est-ce que t'avais des stylos qui se sentaient? Ah non, mais... Pas qui sentaient, c'était voulu que ça sente. Mais oui, c'était que pas j'en avais, des problèmes. Ceux qui avaient traîné au fond du sac pendant 8 mois, non. Mais c'était pas la même odeur. Tu sais, on pouvait acheter des stylos comme ça, tu ouvrais, menthe, chocolat, mais ça sentait deux jours aussi, c'était d'arnaque. Mais je vais plutôt poser cette question-là à Julia, mais je vous la pose à tous les deux. Est-ce que ça vous est arrivé d'écrire des mots avec chaque lettre à une couleur différente? Ça te prend 10 ans. Non, mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Mais dans les cahiers des copines. Nous, on avait des grands cahiers, on s'écrivait des mots d'amitié, de machin comme ça. Et ouais, ça, genre gros bisous. Alors, pas tout le texte, mais genre gros bisous. Ouais, le G en bleu. Est-ce que vous avez eu cette période où vous mettiez un rond à la place du point du I? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez eu cette période où vous mettiez un cœur à la place du point du I? Ah, bah, aux amoureux. Ah oui, ce que tu le fais. Moi, j'ai un I, donc j'ai de la chance de pouvoir faire Julia. Et genre, quand j'écrivais à mon amoureux de CM2, ouais, je. Qui s'appelait? Alors, je vais le dire, il s'appelle, je pense qu'il est toujours vivant, Arnaud Campaner. Eh bien, il est là. Arnaud, salut Arnaud. Salut. Et je le trouvais très beau et très discret. J'aimais bien les gars discrets à l'époque. J'ai compris discret au début. Je l'ai cherché sur Facebook, mais je le retrouve pas. Mais il est peut-être mort. J'espère pas. Moi, je pense qu'après avoir connu quelqu'un comme toi, il a dit c'est bon, on peut mourir tranquille, on arrête tout. C'est un peu comme la Coupe du Monde. C'est ça. J'étais pas si gentil à l'époque, j'étais un peu pestouille. Ah bon, ça c'est très étonnant, te connaissant maintenant. Rodolphe, est-ce que tu veux participer à ce petit jeu de fusillade? Je le fais moi-même, je le fais moi, on le fait tous les deux. Ah ouais, faites-nous un. Une mitraillade du coup. Ok, mais oui, du coup. Mais là, ça va plus être dans le jeu que de raconter quelque chose. Je vous donne deux mots que vous devez obligatoirement placer. Et du coup, on dure une minute peut-être. Oui, le pan, l'animal. Et les yeux. Cool. Une minute. Bonjour monsieur, dites-moi, je suis venu dans votre établissement qui regroupe des animaux parce que je voulais montrer un paon à ma petite fille. Ah oui, alors là, le paon, il est disponible à partir de 17h par contre. Eh bien, vous ne pouvez pas nous faire une fleur et nous le montrer? Ma petite fille est très très malade et je crois que c'est le dernier paon qu'elle va voir. Ah mais vous pouvez pas attendre jusqu'à 17h? Non, non, c'est aujourd'hui a priori alors, que... Oui, d'accord, mais alors par contre, il va falloir que je demande à mon chef, ça va être... Allez, s'il vous plaît, ne le dites pas, vous nous le montrez rapidement. Je vous montre la cage, mais vraiment rapidement, je ne dites à personne. Je pourrais m'approcher tout près, le toucher un petit peu, ma fille pourra le toucher. Allez, regardez là, il est juste dans la porte derrière vous. Vas-y, prends-lui un œil, prends-lui un œil. Non, vous avez... Je vais me faire virer. Merci, elle lui a pris les deux yeux parce qu'en fait, on cherche justement à lui greffer des yeux. Et du coup, c'est bien, on va pouvoir lui greffer des yeux de paon, c'est tellement joli les yeux de paon. À qui vous allez greffer des yeux de paon? À ma petite fille, parce qu'en fait, elle a un problème aux yeux. Merci monsieur, vous venez de sauver la vie d'une petite fille. Bah, ok, d'accord. Bon, heureusement merci. Quand même. Merci. Je ne suis absolument pas fier de ça, pardon, j'ai parlé pendant le jingle. Bravo. Bravo pour cette histoire et ces personnages hauts en couleur. Merci beaucoup. Galon, on t'a demandé de préparer des musiques qui te plaisent. Est-ce que tu pourrais nous dire l'une que tu aimerais écouter, qu'on va passer tout de suite? Eh bien, tout de suite, on va écouter la chanson de Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Ok, c'est parti. Coup de théâtre sur Fadjet. C'était Green Day. Je ne me lancerai pas dans le titre. Tu peux nous le redire, Galon? Boulevard of Broken Dreams. Okay. Ah, mais oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Sur Radio Fadjet 94.2. Merci, Galon, pour cette proposition. Tout de suite, nouvelle chronique. Oh, les gars, le portable, j'avais dit, on coupait. Ah, pardon, je viens de recevoir un SMS. Ça, c'est bien un portable de vieux. Pardon. T'es en train de dire que la sonnerie, je la remets. Ouais. J'avoue que c'est un portable de vieux. Là, le jeu s'appelle Dernier SMS. Je vais t'autoriser, Galon, à prendre ton téléphone. J'avais pas attendu l'autorisation, mais oui. C'est mauvais. Ok. Je t'invite à aller dans Messages. Ok, et c'est de bon. Nous lire... le dernier... Alors, ne nous dis pas de qui il vient, ni à qui tu as écrit. Lis-nous juste le dernier SMS que tu as reçu. Que j'ai reçu, ok. Ou que tu as envoyé, non? Ou que tu as... Si selon tu as l'intérêt. Reçu, ok, ouais. Selon l'intérêt du message. Reçu ou envoyé? Bah, je vais vous faire le reçu, hein. Bonjour, votre compte est désormais réactivé et vous pouvez à nouveau profiter du service. Merci d'utiliser... Bam, bam, bam. Je peux pas vous le dire. Mais... Alors, est-ce le dernier que tu as envoyé, alors, plutôt? Alors, le dernier que j'ai envoyé, vous voulez vraiment savoir... Le dernier, c'est un message que je me suis envoyé à moi-même. D'accord. Parce que je me sers. Tu n'as pas un vrai message? Non, parce qu'en fait, je me sers des SMS programmés pour. Alors, dis-nous un message intéressant. L'objectif de ce jeu, c'est que nous, on essaie de deviner à qui tu l'envoies ou qui te l'a envoyé afin de créer une vie autour d'un. Ok. D'accord. Alors, le dernier que j'ai envoyé, c'était cool. En même temps, il a plus trop le choix. Ok. Alors, ma proposition. Moi... je pense que tu écrivais à quelqu'un de ta famille. Parce que vous préparez l'anniversaire surprise de quelqu'un et en fait vous n'êtes pas d'accord sur des trucs par rapport à l'événement et t'as dit bah, ok cool mais ah non le cool il marche pas cool mais en même temps il a plus trop le choix. Bon, proposition un peu naze mais Rodolphe. Non bah moi je pense que tu te trompes complètement. Moi je pense que tu es un peu mafieux et que là c'est un de tes complices qui t'expliquait qu'enfin le grand patron à qui vous essayez d'extorquer 30 millions d'euros avait accepté mais sinon de toute façon il avait pas le choix de manière. C'était ça. Oui, c'était exactement ça, c'était l'histoire du mafieux. Alors c'était 40 millions. Pardon. 40 millions. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que c'était, si ça ne te dérange pas? Pas du tout, de toute façon c'est un pilote. C'était mon meilleur ami qui m'a envoyé un message, en fait sa copine a des problèmes au boulot et du coup il m'a envoyé une copie du mail qu'il a envoyé à son chef et du coup on a discuté de ça et voilà. Il m'a dit qu'il avait répondu, j'ai dit cool, en même temps il avait plus trop le choix vu le mail qu'ils avaient envoyé. Très bien. Rodolphe, tu nous partages ton dernier SMS? Oui, alors le dernier n'est pas super intéressant, donc je vais en dire un autre. Enfin, il est trop simple à deviner. Le dernier, c'est... Donc, le dernier, ça serait « Et trop hâte de te voir à l'œuvre ». Trop hâte de te voir à l'œuvre. 4 points d'exclamation. Ah oui, ça rigole plus, là. Ma proposition, c'est l'une de tes nombreuses maîtresses... qui a enfin rendez-vous avec toi après 12 ans de communication par mail. Et en fait, elle va enfin venir te voir sur scène. Et c'est ça. trop hâte de le voir. Ouais, pas mal. Moi, je pense que j'ai la bonne réponse. C'est qu'en fait, nous, on ne le sait pas, mais tu pratiques le cha-cha-cha et tu as un grand concours de danse samedi prochain et tout le monde t'attend. Et évidemment, c'est hâte de te voir à l'œuvre. Mais comment tu le sais pour le cha-cha-cha? T'as vu ça? Ça se voit la démarche quand t'as monté les escaliers tout à l'heure. Je me suis dit, là, il fait du cha-cha-cha. Ouais, donc évidemment, c'est absolument pas ça. C'est une personne d'un cabinet pour lequel j'interviens qui m'a demandé de venir voir un petit peu ce que les ateliers de Janima en impro. Et on a réussi à caler une date. Elle me dit, j'ai trop hâte de te voir à l'œuvre. Elle ne va pas être déçue. Très bien. À toi, Julia. Ok, je lis pas tout le SMS parce qu'il est un peu long et c'est un livre. Mais non, dernier SMS reçu, donc pas besoin de tube. C'est un mercredi cool. J'ai prévu un poulet ananas. Alors déjà poulet ananas, ça va pas du tout. Hein. Bah, déjà de base, on n'est pas sûr du non. Ça c'est tu as reçu. Oui, j'ai reçu ça. Vos propositions? Bah en fait, tous les mercredis, tu es invité par la comtesse Darouet. Et du coup, là, elle t'a dit, en fait, comme je suis un peu en off, du coup, viens avec un poulet ananas dégueulasse, parce que d'habitude, tu ramènes du caviar, des conneries comme ça. Non. Bon, alors moi, j'ai une explication beaucoup plus simple. Julia est toujours en retard dans la vie, donc je suppose qu'elle roule plus que prévu, donc elle bouffe beaucoup d'essence, donc elle a plus de thunes, donc elle fait des tupes pour que ça lui coûte moins cher quand elle mange dehors. C'est un peu vrai. Non, la vérité, c'est l'une de mes meilleures amies qui m'invite à manger un midi et je voulais vraiment pas la déranger parce qu'elle a des enfants et tout ça. Donc je lui demande si j'ai besoin de ramener quelque chose. Elle me dit non, pas besoin de tupe. Mercredi, c'est cool. Et en plus, j'ai prévu un poulet ananas. Donc voilà, c'est cool. Ok, cool. Merci beaucoup. Coup de théâtre sur Fadjet. Parfait. Gelloun, parce qu'on peut t'appeler Gelloun, je crois. Hein. Oui, officiellement, jusqu'à 20h, vous pouvez. Je propose tout de suite un deuxième petit moment d'impro. Ok. C'est parti. 3, 2, 1, impro. Eh bien, ce que je vous propose pour ce deuxième monde impro, on va rejouer une scène, mais on peut la jouer tous les trois cette fois-ci. Bien évidemment, tu es le héros de cette scène. Julia, tu vas nous faire, avec ta bouche, une musique d'ambiance d'un lieu particulier qu'on va reconnaître ou pas, peu importe. Ce qu'on reconnaît, c'est, enfin, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on a compris. Je ne sais plus comment on disait à l'époque. Et nous, une fois que tu auras, à un moment donné, tu vas arrêter ce son d'ambiance et nous, on va démarrer notre histoire qui va être évidemment merveilleuse et qui va pouvoir durer cette fois-ci quelques minutes, pourquoi pas, si elle est passionnante, ou alors 10 secondes, si elle est complètement naze. C'est ce qui n'est pas impossible. Qui juge qu'elle est naze ou pas? C'est Rodolphe. Très bien. Vous allez avoir envie que ça s'arrête très vite. Hein. Je vous pose un son. Tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout. Oui, oui. L'entraînement. T'as complètement arrêté l'entraînement là. T'es plus là. Le grand gala de majorette, c'est samedi quoi. Il reste 3 jours, Geneviève. Il reste 3 jours. Tu peux pas participer. Toi qui as été la meilleure de ta génération. Oui, mais j'ai un problème. J'ai un peu mal au poignet en ce moment. Et du coup, je peux pas faire la majorette. Donc j'ai arrêté les entraînements. Pourquoi t'as mal au poignet? Parce que j'ai cassé le cookie-o et du coup, j'ai fait les gâteaux à la main. Pourquoi t'as cassé le cookie-o? Parce que je l'ai fait tomber par terre en m'entraînant pour la majorette. Tout ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais tu utilises le cookie-o pour... Martine, viens là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Va t'engueuler, Martine. Martine, en tant que capitaine des majorettes, ouais. Je te dis, il faut que tu fasses la mort à la Geneviève. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle fait de la majorette avec son cookie-o. Amène-moi la gamine, là. Vas-y. Mais non, mais j'ai rien fait. Oui. Avance ou je te mets un coup de pied? Oui, c'est bon. Non, pas de coup de bâton, Martine. On a déjà les promesses. Je suis à deux doigts, là. Il va falloir que la gamine, elle réponde correctement. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec Kukéo? Je l'ai fait tomber par terre. Oh, punaise. Tu sais combien ça coûte, un Kukéo? Non. T'as fait tomber celui du club? Mais j'en ai fait tomber deux, celui de chez nous et celui du club. Elle a fait tomber le culture du club. Martine. Tu vas monter en haut, tu vas monter sur le fil du trapéziste, là. Tu vas monter sur le fil. Non, mais on va pas t'assurer. Comment tu vas me faire mes lasagnes? Regarde-le, regarde, il est dans tous ses états. Mais ça lui fera pas de mal de manger autre chose que des lasagnes, des lasagnes, ça va. Hein. J'adore ça. Tu montes en haut du chapiteau. Okay. Tu te mets sur la ligne du trapéziste. Oui. Et si tu tombes, c'est bien fait. On t'assure pas. Mais c'est horrible. On t'assure pas, Geneviève. Bien sûr que c'est... casser deux cookies, c'est pas horrible. Bah c'est... Alors, deux cookies, c'est moins que ma vie. Tu montes là-haut. D'accord, ok. Et tu traverses, on n'est pas assuré. On te donne... t'as de la chance, on te donne le grand bâton pour t'équilibrer. Bah, heureusement. Et tu crois que l'équipe des Blue Majorettes de Velles-sur-Moselle, tu crois qu'elle, c'est pas en la dure? C'est pas en la dure, tu crois? Mais si, c'est à la dure. Y'a que ça qui compte pour vous. La victoire. On veut que tu sois la meilleure, Geneviève. Mais je suis déjà la meilleure, j'ai pas besoin de m'entraîner. Monte là-haut. Allez. Monte là-haut. Allez. Monte. Non. Fais-moi. Va me faire des lasagnes à la main. Martine, va me faire des lasagnes à la main pendant que la gosse te plante. Surtout, tu la rattrapes pas. Non. Allez, vas-y maintenant. Ah, vas-y, fais la maline maintenant, hein, vas-y. Je vais tomber, en fait. C'est bon, je vais les rembourser, les cookies. Oh. Ah, allez, c'est bon, tu peux redescendre, merci. Et fin de l'impro, merci. Ce son à la bouche était formidable, Julia. Ouais, vous aviez reconnu le... L'hôpital. Le cimetière. Non, c'était un formidable bruit de bouche de cirque. En vrai, c'était pas mal. Ouais, mais moi, ça m'a inspiré Majorette, je me suis dit, on part sur les Majorettes. C'était plus drôle, je trouvais. Oh oui, bah ça reste... Après, du coup, je suis un peu hors sujet quand je dis monte sur le... En plus, bah, le c'est une punition. Je dis le fil du trapéziste. Comment s'appelle le gars qui marche sur un fil? Du funambule. Funambuliste. Le funambule. Funambule. Le funambule, ok. Je vais m'acheter un dictionnaire. Ouais, c'est tu vas bosser choix. Un peu. Très bien. Merci à vous pour cette impro. Les questions existentielles. Tu as entendu le son de ce jingle, Galen? Jamais, c'est la première fois. Non, mais tu as entendu oui. Le titre, les questions existentielles. Avec c'est moi qui l'ai enregistré. Toujours cette fameuse voix incroyable. Alors, cette chronique, elle est très simple. Nous allons te poser des questions existentielles. Quand tu dis elle est très simple, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'elle est simple et que c'est la sienne de chronique. Comment vous êtes méchant, elle. Question existentielle. Okay. Tes réponses peuvent être complètement, évidemment, à côté de la plaque. Ça va être le ou cas. Tu peux essayer vraiment de nous trouver des vraies raisons valables pour des choses comme ça. Pourquoi le ciel est bleu, Galen? Parce qu'en fait, la mer représente à peu près 80% du globe terrestre et que du coup, ça se reflète et que ça fait la couleur du ciel. C'est tellement vrai. Tu pourrais. Toi, t'es premier degré, mais grave. Ah non, elle a dit que je pouvais donner les bonnes réponses. Pourquoi est-ce que l'être humain a une oreille à droite, une oreille à gauche et pas une devant, une derrière? Ça serait quand même vachement plus pratique. Parce qu'on aime bien la symétrie et que du coup, ça serait beaucoup moins pratique d'en avoir deux du même côté, du coup. Non, pas, j'ai pas dit ça, pas du même côté. Une devant, une derrière, une sur le front, une sur la nuque. Ça serait plus pratique. Oui, alors bah, du coup, j'ai pas la réponse à cette question. Bah, je veux que tu me la donnes quand même, cette réponse. Parce qu'en fait, sur le front, on avait gardé de la place pour qu'on puisse mettre des têtes au foot et que du coup, avoir une oreille, ça aurait dévié le ballon. Bien ça. Galen, pourquoi quand on se cogne, on dit aïe alors que des fois, on a même pas mal? Alors, déjà, on dit aïe parce qu'on aurait pu dire ah la putain de ça, ça me fait vraiment mal, oh, mais c'est beaucoup trop long comme réflexe. Mm-hmm. Donc, du coup, on a choisi aïe parce qu'en fait, c'est les vampires qui ont inventé la douleur et comme ils aimaient pas l'aïe, ils disaient aïe à chaque fois. Et du coup, on a gardé le aïe. Quel ingénieux enfant. C'est vrai que j'ai 8 ans. Ou un imposteur, je sais pas. Oui, surtout. Pourquoi on fait des faux tiroirs, sous les éviers? Je savais même pas qu'il y avait des faux tiroirs sous les éviers. Dans les vieilles maisons. Mais on te pose la question quand même. Bah parce qu'en fait c'était beaucoup moins cher de faire des faux tiroirs que des vrais tiroirs. Et en plus comme c'est en dessous de l'évier, si jamais tu fais tomber de l'eau, ça nique le tiroir. Ouais. Est-ce que tu peux me dire pourquoi notre sang est rouge? Alors ils avaient essayé avec le bleu, mais il y a les Schtroumpfs qui ont porté plainte et du coup pour des histoires d'argent on a remis en rouge. Alors moi j'ai une autre version par rapport aux Schtroumpfs, c'est que le problème c'est que quand les Schtroumpfs se blessaient on le voyait pas. Ah, c'est pas bête, bah oui. Et du coup, il y a eu des morts comme ça parmi les Schtroumpfs. Ah, mais ils ont pas des gants. Ils ont pas des mains blanches, les Schtroumpfs? Ah, mais ils peuvent se faire un bleu au genou. Non, ils peuvent pas se faire un bleu au genou. Ah oui, alors tiens, pourquoi est-ce que le sang est rouge et on dit un bleu quand on se fait mal? C'est une question existentielle. Ouais, ouais. Attends, c'est quoi ta question? Pourquoi l'instant est rouge? Tu l'as dit. Et pourquoi on dit un bleu du coup quand on se fait mal? Parce que le tout premier qui a dit ah je me suis fait mal, on lui dit ah bah t'es un bleu. Et lui il a compris t'as un bleu. Et du coup c'est devenu comme ça. C'est logique. Impossible. Est-ce que quelqu'un a déjà dit on s'en fout, c'est qu'un jeu, mais après avoir gagné? Oui, Vladimir Poutine. Mais est-ce que, pardon. A-t-il gagné? On aura la réponse bientôt. Ouais, on aura la réponse bientôt. Je suis pas sûr qu'il ait gagné. Pourquoi est-ce que tu quand tu lances 3D, tu réussis toujours le 421 au moment où tu joues plus et où personne t'a vu en fait? Alors moi je réussis parce qu'en fait quand personne me voit, je mets moi-même le dé sur 421 parce que pour mon estime personnelle, je préfère savoir que j'ai gagné au moins une fois. Mmh. Pourquoi on s'est allé sur la Lune mais toujours pas fabriqué des parapluies qui se retournent pas? Parce que pour aller sur la Lune, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de faire une grosse machine qui dépense plein d'essence, qui va très vite. Alors que le parapluie, en fait, on n'en a pas tellement besoin. Alors qu'aller sur la Lune, c'est super vital. On habite Nancy quand même. Hein. Oui, c'est aujourd'hui, pas faux. Aujourd'hui, il pleut du sable. Alors, t'as un parasol. Du coup, il faut prendre un parasol, du coup. Ah, un parasable. Un parasable. Oui, aussi, mais ça n'existe mais pas, vrai, un parasable. C'est le sol, tu me diras. Alors, pourquoi est-ce que cet habit, ce vêtement s'appelle soutien-gorge, alors qu'il soutient autre chose que la gorge? Parce qu'à l'époque, donc c'était avant l'homme de Néandertal, on avait les seins au niveau de la gorge. Et du coup, ils les ont mis là, et en fait, ils n'ont pas changé. Ils ont dit, ah, parce que t'imagines, c'est-à-dire que c'est un soutien-gorge, après un soutien-sein, puis après un soutien-nombril. Donc, ouais, non, parce qu'en plus, le gars qui avait déposé le brevet, lui, il aurait galéré, il aurait dû redéposer le brevet. Tous les ans, tout ça. C'est trop compliqué. Pourquoi on pense que dormir 3 minutes de plus ça va changer quoi que ce soit? Parce que ça change quoi que ce soit. T'as déjà essayé de dormir 3 minutes plus? Franchement. Non mais le réveil sonne à 7h15. Ouais, vas-y, je le mets à 18. En vrai. Parce que dans ta tête, t'as l'impression que tu vas te rendormir et que tu vas faire un rêve de ouf. Et en fait, non. Mais on croit toujours. Hein. Moi, en tout cas, j'y crois. Dernière question. Pourquoi est-ce que, bah, j'ai toujours sur le sommeil tout ça, pourquoi est-ce que quand tu branches ton radio réveil le soir, tu règles, c'est parfait la fréquence, et le lendemain matin quand tu te réveilles, c'est tout pourri? Alors, parce qu'en fait, tu le sais pas, mais sur certaines émissions de radio, le soir, il y a des émissions spéciales pour les nains. Et en fait, les nains, ils rentrent chez nous et ils changent la fréquence pour écouter, parce qu'en fait, les nains, ils ont pas de... Il a réponse à tout, il est incroyable. J'aurais préféré que tu dises les lutins. Pourquoi? Pourquoi les nains, ça existe, hein? J'ai pas dit, c'est des nains de jardin, c'est les nains de ton jardin en plus. Ah d'accord. Donc du coup c'est les nains de ton jardin, ils rentrent chez toi et ils écoutent Jardin FM. C'est plus Toy Story quoi, c'est Garden Story. Et ils écoutent Silence ça pousse version radio et ça pousse la fréquence un peu trop loin également. Merci Gaëlon pour toutes ces bonnes idées. Les questions existentielles. Est-ce que t'en as une, toi, de questions existentielles? Ah non, moi j'ai les réponses à tout, j'ai pas besoin de questions. Okay. Je suis né avec la science infuse. Très bien. Comme le thé. Il est tellement en grande forme. alors qu'on n'est pas entre 10 et 11. En plus. Ouais, bah, peut-être que tu as un autre créneau entre 19 peut-être, et 20. Peut-être, ouais. Pourrais-tu nous donner la deuxième chanson que tu aimerais écouter dans Coup de théâtre? Alors j'ai choisi un titre que tu auras pas de mal à retenir parce qu'on va écouter Death of the Bachelor by Panic at the Disco. Parce que même toi, tu même moi j'ai du mal. Tu galères alors que tu l'as écrit devant non, toi. Parce qu'en fait j'ai écrit une abréviation sur mes notes et du coup j'avais plus le titre. Eh bien tout de suite Panic at the Disco. La fille qui fait semblant. Coup de théâtre sur Fadjet. Et c'était Panic at the Disco et le titre Gaëlon. Death of the Bachelor. Formidable. Réseaux sociaux. Et bien sur cette rubrique-là, on va être un petit peu plus sérieux, si toutefois c'est possible, okay. Je ne crois pas. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton rapport avec les réseaux sociaux et ta présence sur les réseaux sociaux, comment est-elle? Alors je suis un vrai addict des réseaux sociaux, je pense que c'est trop, je devrais déconnecter mais j'y arrive pas, puisque je suis sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, enfin il y en a tellement, je pourrais même pas les citer en fait. Tinder, tous quoi, quasiment non, tous. Non pas Tinder du coup, c'est la seule parce que voilà, si... Ouais, parce que les 70 centimes, la fontaine de Trévis, tout voilà, ça, on a compris. J'ai déjà raconté l'histoire, mais ouais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, enfin YouTube, je suis sur beaucoup trop de réseaux, clairement. D'accord, et est-ce que t'as des... Bah, YouTube, tu parlais TikTok, est-ce que tu fais des choses particulières? Tu peux peut-être nous en parler, c'est l'occasion de bah, oui. Un petit peu de... Alors sur YouTube, je fais des vidéos qu'on appellerait des podcasts, même si j'aime pas ce terme. Donc où je fais des petits sketchs sur tout et n'importe quoi, sur des sujets que je trouve marrants. Il y a quelques vidéos de voyage. Et sur TikTok, c'est de la vanne bien pourrie. Voilà. Et tu utilises... on va pas se mentir. C'est assumé. C'est ouais, c'est assumé. Ah oui, oui, oui. Et tu utilises les réseaux sociaux à des fins un peu plus, un peu moins récréatives, enfin, on va dire, pour dans le cadre d'Assos, dans le cadre de boulot, etc. Bah, dans le cadre d'Assos, oui, parce que du coup, je gère les comptes Facebook et Instagram de Improdisiac, la superbe. Improdisiac. À troupe d'impro de Nancy. La plus grande troupe d'impro de Nancy. Oui, la plus belle, la plus talentueuse même. Non, plus grande, la plus grosse en nombre d'adhérents, c'est ce que je voulais dire. Oui, et en termes de talent aussi. Et oui, je gère les réseaux donc, du coup, pour l'asso, pour remplir les spectacles, et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, à moins que le président de l'association ne soit pas content du gars qui gère la com. Ça et va. Du coup, pour le côté professionnel, du coup, je m'en sers depuis très peu de temps, parce que je viens d'ouvrir une agence de voyage, entre guillemets. Et du coup, je m'en sers pour... promouvoir, donner des petits conseils, des petits tips sur les voyages et sur ce que je fais moi aussi en général. Tu pourras faire ta petite promo en fin d'émission. Et puis pour te répondre sur le fait qu'il soit content le président ou non, quand on blinde les spectacles... Oui, c'est sûr. Il pourrait la ramener et dire quelque chose, mais ça serait vraiment pour râler. Râler pour râler. j'ai pas, soit j'ai pas écouté, ce qui est possible, soit sûrement. J'ai pas... Ton agence de voyage, tu l'as promue sur quelle application ? Sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Okay. Voilà, parce que Instagram c'est le réseau idéal parce que bah les photos c'est ce qui va le mieux pour le voyage. Mm-hmm. Et du coup bah j'essaie de faire de belles photos assez travaillées, des petits contenus donc soit sur des idées de destination, soit sur des petites astuces ou des insolites de voyage que j'ai connus. Voilà. Donc là dernièrement t'es allé à Rome et ouais. T'as vraiment profité de ce voyage là pour. J'ai pris plein de notes déjà à titre personnel et à titre professionnel sur les adresses que j'ai aimées. Du coup même sur le réseau social de l'entreprise j'ai fait une story permanente sur les restaurants que j'ai préférés, sur des petits trucs que moi j'ai aimés en tout cas. Donc c'est moi j'aime bien aller sur des blogs, à l'époque c'était des blogs où en fait t'as les guides du routard, les trucs qui vont te dire tous les trucs mais les plus touristiques, les plus machins, les plus belles plages. Mais j'aime bien quand il y a des gens qui, justement, donnent leur avis objectivement en disant bah, « moi, le resto que j'ai préféré, c'est ça », en disant pourquoi, qui te donnent l'adresse et tout. Et des fois, je me retrouve plus dans des expériences personnelles comme ça plutôt que sur les guides du routard. Bah, j'ai un blog qui est en construction, d'ailleurs, à propos de ça. Donc, je suis en train d'écrire le premier et le deuxième article. Sur Skyblog ou... Non, bah, non sur le site internet de l'agence, du coup, j'ai une partie blog sur laquelle je suis en train d'écrire des articles. Voilà. Okay. Donc, il y aura de tout, des astuces de voyage, des conseils, des adresses que j'ai aimées. Voilà, je te propose de donner toutes les références de tes, pour ton boulot là, bah, du coup, en fin d'émission. Comme ça, ça laisse aux gens qui nous écoutent le temps d'aller chercher un stylo et un papier. Et ce qui va nous permettre également de passer à la prochaine chronique. J'ai failli mourir. De honte. Tu as cru ? Oui. J'ai failli mourir. Non. Puis tu ne savais pas que ça allait dire de honte. Non, en plus, vraiment, j'étais surpris. J'étais. Vraiment. On t'a surpris avec ce jingle ? Ouais, ouais, j'en suis encore. J'ai encore la chair de poule. Très bien. Donc, j'ai failli mourir de honte. L'idée, c'est que tu nous racontes un souvenir, une anecdote qui t'est arrivée où vraiment, si tu avais pu t'enterrer vivant, tellement tu t'es senti honteux ou, comme on dit chez nous, t'as eu la chouffe. Ou comme on dit dans le sud, la chouma. Ouais, c'est dans le sud du sud. De nous raconter en détail vraiment un moment où tu t'es senti vraiment, vraiment honteux. Ok, alors j'ai bien une idée qui me vient. Le problème, c'est que je me suis foutu dans cette honte vraiment tout seul. On et en fait, tort. Je pense que les personnes qui étaient en face de moi n'avaient pas honte pour moi, mais moi si. Donc du coup, c'est très gênant. Et il n'y a pas grand monde qui connaît cette histoire, je pense, à part Camille et 2-3 personnes. Du coup, en fait, il y a 5-6 ans, juste avant d'avoir eu l'idée de faire de l'impro, j'ai participé à un concours qui s'appelait, je sais plus comment, mais c'était pour rechercher des gens qui voulaient faire des sketchs, et il y avait une espèce d'audition, et c'était à l'MJC Pichon, et en fait j'ai écrit donc un sketch de 5-6 minutes, tout seul, un one man show, et en fait j'ai été le jouer devant un jury, donc dans la salle de l'MJC Pichon, et en fait il y avait 4 personnes dans le jury, et il y avait donc 4 personnes au fond de la salle, et moi tout seul sur scène. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Le niveau de stress est passé de... Il s'était mis en fond de salle ? Ouais. Wow, c'est dur. Il s'était mis en fond de salle. Et voilà. Et en fait, du coup, bah, dès que t'attaquais, en fait, tu voyais personne dans la salle, donc du coup, zéro retour. Et en fait, au bout de trois phrases, ça m'a tellement foutu la honte que j'ai oublié tout mon texte, mais vraiment, en mode, au bout de 30 secondes, stop, on arrête, j'y arriverai pas. Et en fait, parce qu'ils étaient au fond de la salle, et du coup, bah, déjà, ils sont que 4 dans une salle de 150 places, tu te dis, bon, même et s'ils eux, rigolent. Et eux, ils rigoleront pas en plus, parce qu'ils sont là pour t'évaluer. Donc, bah oui, donc, mais c'est volontaire peut-être pour que tu les vois pas. Ils se sont dit, on veut pas le perturber, on va se mettre au fond. Sûrement, mais du coup, c'est perturbant, parce que, remarque, même si t'es 4 devant, d'avoir que 4 personnes, même si elle rigole, ça, enfin, t'as l'impression de pas avoir de retour, tu vois, dans une salle qui est grande. Et du coup, j'ai eu la vraie honte. Et en fait, au bout de 30 secondes, j'ai dit bah stop, on arrête. Et finalement, je suis sorti. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit non, mais viens avec ton texte. Et du coup, je l'ai refait avec le texte. Donc, ça s'est bien fini, entre guillemets. Mais sur le moment, pendant les 30 secondes où j'avais l'impression d'être vraiment le plus grand débile de France, j'ai vraiment eu une grosse honte. Ouais, alors j'ai envie de dire que c'est pas... vécu comme ça. Toi, tu dis, tu t'y es mis tout seul, mais en fait, oui et non, parce que c'est aussi le contexte qui t'a poussé à ça. Oui, mais c'était pas obligé, tu vois, mais de faire. Mais comment t'as pu sentir la honte aussi rapidement? Parce que t'attaquais ton sketch avec quelque chose de drôle et il n'y a pas eu de réaction et du coup tu t'es effondré, ou comment en trois phrases tu t'es dit ouais, je suis en train de me taper la honte? Bah parce qu'en fait au bout de trois phrases j'essayais déjà de retenir celles qui arrivaient après et je sentais que je les avais déjà pu et en plus de ça la diction était mauvaise, le texte je pense que sur le contenu il était pas dégueulasse mais j'avais aucune assurance, c'était vraiment horrible. Tu l'as encore ce texte? Je peux peut-être le retrouver, il doit être dans les fins fonds de mes fichiers Word. Bah il faut se lancer. Bah, il y a plein de petites scènes. C'est pour ça que j'ai fait de l'impro derrière pour gagner un peu en assurance sur scène, parce que c'était vraiment horrible, je me suis effondré vraiment comme une... Et ça fonctionne l'impro? Bah je sais pas, pour l'assurance en impro, oui, après avec un texte dit, je sais pas. Il a gagné le match nouveau. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. T'aimerais le retenter? Ouais. Sur ce texte ou sur un autre? Non, sur un autre texte. Parce que c'était un texte qui était bon, enfin, voilà, qui me correspondait à l'époque, mais maintenant... T'avais 18 ans. Bon, non, aussi seulement. ça serait cool. Bah, si tu veux. On viendrait le voir. Il y a plein de petites scènes sur Nancy. Oui, bah, c'est un truc. Mais j'ai toujours cette peur qui, du coup, me hante en me disant ouais, mais là, tu te sens à l'aise, mais qui te dit que le jour où ça va arriver, si ça rigole pas, tu vas dire j'ai la honte et je. Tu connais cet adage, quand on est tombé de cheval, qu'il faut remonter dessus. Oui, puis tu sais très bien comment on peut fonctionner. Tu peux très bien le jouer à des personnes que tu connais. Oui, c'est vrai. Pendant un after d'un spectacle d'improvisation, par exemple, sur scène, et tu vois si les retours des gens. Et si les gens te disent oui, mais n'y va pas, bah. C'est qu'il faut y aller. Pas. Et si les gens ils te disent vas-y, tu peux leur faire confiance. Enfin, je connais des gens qui vont fonctionner comme ça. Donc ça, c'est ta honte racontable, on va dire. Ouais. Après, je sais pas si j'en ai des pas racontables, mais... moi, j'ai pas mais elle est bien, elle me plaît bien. Ouais. J'aime bien. C'est en lien en plus avec... Et on ne t'avait pas du tout prévenu, en fait, avec... de cette rubrique. C'est la première qui vient parce que c'est pas trop vieux et puis c'est pas trop... Voilà. Ça t'a marqué? Ouais. Bon, en vrai, ouais, je te jure que je faisais pas le malin. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être vraiment le plus grand con de la Terre. Ok. Vraiment. Bah merci pour ce moment un petit peu intime de révélation sur ta personne, Gaëlon. Merci beaucoup. Coup de théâtre sur Fadjet. Et on arrive déjà vers la fin de l'émission. Oh non, non. Ouais, je sais bien. On est sur un enregistrement qui marche bien. Je suis très contente du résultat. Tout à l'heure, Rodolphe te l'a redit, tu vas pouvoir faire un petit peu ton auto-promo. Et en fait, c'est aussi auto-promo alors, pour toi, mais aussi sur les choses que tu aimes bien. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimes beaucoup? Il faut aller voir ses vidéos sur YouTube ou des podcasts, ou tu as vu un film génial, tu as lu un livre absolument super que tu as envie de nous recommander. Parce que nous, on lit beaucoup, okay. On regarde beaucoup de choses. Si tu as des choses à nous recommander, une fois que tu as fait toute ta promo de tes réseaux sociaux et de ton business. Mon business. Alors, on va commencer par mon business, s'il n'y a pas d'ordre. Donc, effectivement, je viens d'ouvrir une agence. Donc, c'est pas une agence de voyage, c'est une agence de travel planner. Donc, la différence, c'est qu'en fait, je suis un, entre guillemets, conseiller en voyage. Donc, la personne vient, elle me dit son budget, ses envies, je lui pose un tas de questions. J'évalue son besoin et après, je lui propose des hébergements et des transports et un carnet de voyage donc complètement personnalisé avec des bonnes adresses, avec ce qu'elle a envie. Parce que quand on va en voyage, enfin souvent les agences de voyage elles sont bien sympas, mais c'est des trucs préfabriqués. Ils vont te dire bah tu veux aller à Rome 3 jours, ils vont te proposer un itinéraire qui te correspond pas forcément. Moi par exemple, quand je suis allé à Rome, j'ai pas fait de musée alors que tout le monde va à Rome et fait des musées. Donc ça sert à rien de proposer des itinéraires avec des choses préfabriquées. Donc c'est la grande différence de Trappe Lumière, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur la préparation du voyage. Toi, tu es conseil, mais après sur les personnes qui vont ensuite, une fois que tu les as conseillés, faire leur voyage et qui vont réserver, etc. Voilà, c'est ça. Après, je reste disponible, c'est-à-dire que si le carnet ne va pas ou il y a quelque chose qui veut le changer, je reste toujours disponible, même pendant le voyage. Enfin, je reste disponible de A à Z. On n'abandonne personne. Ok. Et du coup, on peut te retrouver où? Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. On peut te retrouver où? Alors sur Facebook et sur Instagram. Donc ça s'appelle Décollage sur mesure. C'est un petit logo avec un avion en papier, parce que du coup, en rapport avec le décollage, j'aime bien les avions en papier. Et il y a le site internet, donc décollagesurmesure.fr, qui est dispo depuis 2-3 semaines. Ah d'accord, oui, décollage sur mesure. J'ai créé mon propre site web. Voilà. Et en termes de, parlons chiffres, est-ce que c'est un service que tu fais payer ou après c'est un pourcentage par rapport au... C'est un service. C'est des formules, en fait, il y a trois formules. Il y a trois formules en fonction de si tu veux partir pas longtemps, pas loin ou beaucoup plus longtemps avec un road trip, avec location de voiture, 5 hôtels, tout dépend. Ah oui, si tu bosses dessus pendant 15 jours, forcément. Voilà. Après, je prends zéro commission parce que du coup, il y a un tarif qui est payé, je l'inclus dans le budget. Mais ça veut dire que je ne suis pas partenaire avec des hôtels en particulier, je ne refourgue pas un hôtel. Toi, tu es vraiment objectif. Objectif dans ça veut dire que des fois, en fait, j'ai eu cette idée parce qu'une fois, j'ai fait la comparaison, j'ai voulu aller à New York, je suis allé dans une agence de voyage, ils m'ont proposé un truc. Et ça me correspondait pas du tout. Et même en termes de tarifs, c'était 3 fois plus cher que ce que j'ai trouvé sur Internet et qui me correspondait beaucoup mieux. D'accord. Donc on m'avait vendu un truc qu'ils avaient sous la main. Ils avaient 3 propositions, mais c'était pas fou. Quoi. Ils avaient un partenariat, clairement. Mais en espérant que ça marche pour toi, est-ce que tu serais prêt? Par exemple, il y a des hôtels, comment on appelle ça, les trucs des avions là. Les compagnies aériennes. Merci, les compagnies aériennes, qui te proposent par exemple, est-ce que vous voulez bien voyager pour nous? Et puis vous faites la promo sur décollage sur mesure, est-ce que tu serais prêt à le faire ou tu as envie de rester... Je sais pas si c'est quelque chose qui est très envisageable et si vraiment à mon niveau ça peut se faire, mais oui, il y a pas de... Enfin moi je suis... Sur Instagram, il y en a qui vendent tellement de trucs. Oui, mais alors je serais pas prêt à vendre n'importe quoi, clairement. Ok, ouais, t'as des valeurs, c'est bien. Ah bah oui, non mais c'est clair. Tu vends pas l'eau de ton bas. Non, à 1 500 €, non, je la vends plus cher. Sinon, en termes de spectacle, là, il y a des choses à venir? Alors, je sens qu'on me lance quand même sur un beau spectacle le 26 mars, donc une soirée de spectacle d'improvisation à la MJC Pichon Improdisiaque, donc avec Impro L'Art Noir et Improbable Rencontre que j'ai eu l'honneur de créer, en plus, et donc que je vais proposer. Donc, tu peux nous le pitcher un tout petit peu, là, Improbable Rencontre, pour donner envie aux gens? 5 personnes qui ne se connaissent pas du tout vont se rencontrer et elles vont devoir faire un acte complètement ouf que le public va choisir, faire atterrir un avion, faire élire quelqu'un président de la République, enfin, ce que le public aura envie de voir. Comment t'as eu cette idée? Je me suis dit, j'ai envie de faire une impro longue, mais qui part en cacahuète. Et du coup, je me suis dit, ça serait drôle de voir 5 personnes en beurre de cacahuète. 5 personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui vont devoir se souder pour faire un acte. Tu nous fais du lien avec ce que voilà, tu... exactement. C'est incroyable, cette émission est tellement bien faite. Et sinon, sur la promo, pour terminer, sur la promo... Nancéenne. Il y a, donc, tu l'as dit, ce spectacle à MJC Pichon, mjcpichon.com pour réserver ses places. C'est le 26 mars à 20h30. On peut également retrouver le collectif libre d'improvisation théâtrale ouverte avec notamment Julia, le Clito, donc au Clouelbec, place des Vosges. C'est le 1er avril et ce n'est pas une farce. Il y a également le 8 avril, le Close-up à scène d'humour ouverte où on peut manger également à la MJC Pichon également, donc le 8 avril. Et il y a un incroyable plateau d'humoristes le 7 avril à Romba. C'est un petit peu plus loin, c'est en Moselle, à Romba. Et vous pourrez retrouver un duo formidable qui s'appelle Les Autres. Ah, j'ai oublié de te dire que j'étais pas disponible à cette date. je suis à Évian. Je pourrais pas, j'ai oublié de te prévenir. On est obligé d'annuler. Sans faire concurrence à Improdisiac, il y a également les Stanislash qui jouent le 20. C'est de la concurrence. Moi, je voulais dire un petit truc. Le même soir, c'est un peu triste, mais du coup, je serai là-bas. Par rapport au. Ah oui? Ouais, tu joues, toi. On ira pas. J'ai pas encore fait le spectacle. Oui, tu joues, c'est normal. Par rapport au 1er avril, la date du Clito, je ne pourrais pas venir parce que je suis au concert de Kyo et je sais que Julia adore ce groupe. Alors du coup, je voulais le dire parce qu'à chaque fois, tu me clashes sur le fait que j'aime Kyo. Où c'est? À, je sais même plus, 9 maisons. Sérieux, les gars, ils jouent à 9 maisons. Il y a plein de monde qui passe à 9 maisons. Ouais. C'est voilà, du coup, ça me faisait rire. Non, mais enfin, c'est un peu comme les salles à Ludre et tout. Quand ils veulent jouer dans des petites salles, c'est une salle qui est assez. Une bonne salle à Ludre. Qui est assez. Ok. Qui est quand même couru, ça. Ok, très bien. C'est juste pour la blague. Gaëlan, il nous reste à te remercier pour ce bon moment passé avec toi. Bah, merci à vous de m'avoir gentiment accueilli. Dans Coup de Théâtre. On est ravis d'avoir fait ce pilote avec toi. On espère que tu reviendras en véritable invité diffusable. Bah, j'espère aussi. Parce que là, c'était pas diffusable. Attends, ta honte, elle était pas... Oh, bah merci. Retrouvez-nous donc sur Radio Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. Fadjet.net. Et nous nous retrouvons tous les jeudis du... Non, on n'a pas encore décidé de fréquence, mais... merci Rodolphe merci ta Julia. Compagnie. À très bientôt les amis. Bientôt. Salut, ciao. Salut. Coup de théâtre sur Fadjet. Tu penses à couper les micros là ?